Cette émission est une présentation de RZO. Pour plus de podcasts et web télé, rendez-vous sur rzoweb.com. Yeah, hi, this is Steve Wozniak, and you are listening to the podcast of Mac Québec. MacQuébec.com, le podcast. C'est toutes les nouveautés Apple. Commentaires et critiques. Vos questions, nos réponses. Et beaucoup de collaborateurs. Bienvenue au podcast de Mac Québec. MacQuébec.com. Bienvenue au podcast Mac Québec, épisode du 13 mai 2014. Il est 8h08 et 39 secondes. Aujourd'hui à l'émission, Apple achète Beats. Apple engage le responsable photo du Lumia. Et Apple prépare la prochaine révolution, un iPhone 6. Bienvenue au podcast Mac Québec. C'est cela. Je me demande comment ça se fait qu'on est capable d'avoir notre face sur Internet actuellement. Je pense que tu sues, Jean-François. J'ai chaud du dessus de bras. Ah oui, tellement. Bienvenue. Attends un peu. Oui. Il y a deux semaines, il manquait de courant. Oui. Puis cette semaine, il manque un Mac Pro. Oui. On n'a pas le Mac Pro. On est arrivé et on a eu besoin du Mac Pro pour dépanner un client. Donc, il n'y a pas de Mac Pro pour faire la diffusion. Donc, on est diffusé à partir du micro-ondes de Clickpom qui s'avère être un bon vieux iMac. Ouais. Fait que ça, quand t'es dans une place de support technique, quand t'as pas toi. Mise à jour rush avec installation de logiciels licencés en quatrième vitesse. Félicitations, Jean-François. T'es le MacGyver du podcast. By the way, je vais mettre Mac Québec à jour dans WordPress à l'instant. Je vais payer ça à Switch. Donc, si vous ne voyez plus dans quelques secondes, c'est que la mise à jour de WordPress s'est mal passée. Vous avez déjà entendu Jean-François? Bien, je vous présente, c'est lui, le André Arthur, Jeff Fillion, Moret, Howard Stern de Mac Québec. Bonsoir, Alexis. L'indélogeable Jean-Michel est avec nous, ça va bien? Très bien, toi? Oui, pas mal. Est-ce que j'ai prononcé ton nom comme faux? Oui, Jean-Michel. Non, t'as pas prononcé mon nom comme faux, qu'est-ce que c'est ça? Ça n'a pas d'allure. Donc, Jean-Michel a décidé, vu qu'il s'est un peu moins tenu au courant des informations à Apple cette semaine, parce qu'il travaillait 60 heures semaine, qu'il allait être contre tout ce qu'on allait dire. Voilà. On salue les gens qui nous écoutent en direct. On aimerait remercier nos minutes. Là. On a commencé ça trop vite. Le podcast Mac Québec, c'est quand même une émission bimensuelle produite par l'équipe du site www.macquebec.com sur l'univers Apple. Au cours des 90 prochaines minutes, m'entends-tu, Jean-François? Oui. Nous passerons revue les nouvelles du monde Apple des deux dernières semaines, répondrons à des questions posées par des membres de la communauté Mac Québec et présenterons nos trouvailles de la semaine. Et tout ça dans les 15 prochaines minutes, ce n'était que de Jean-Michel, qui 5 minutes avant. Il va falloir que tu m'arrêtes, je vais te faire des décomptes à un certain moment de l'émission, là, puis il va falloir que tu coupes. Enchaîne. J'essayais de faire une imitation de Denise Filiatro. Donc, vous la repasserez, là. Vous pouvez rewinder et tout. Messieurs, est-ce que vous avez des coups d'os et des coups de dose? Tiens ton idée, Jean-François. Le podcast de Mac Québec est rendu possible grâce à la généreuse collaboration de Clickpom, de Coop UQAM, de ReptilTech, de Air Repair Montréal et de l'INIS, où je m'en vais passer en fait la fin du mois de mai puis le début du mois de juin, et Telestream. Donc, je vais pouvoir vous parler de l'INIS. Je m'en vais suivre quelques cours là-bas, entre autres Final Cut 101, Final Cut 201 ou 202, je me souviens plus. En tout cas, le deuxième cours, quand tu veux donner meilleur en Final Cut. Je vais suivre le cours Terminal, puis j'essaie de voir si je peux aller suivre le cours Deploy Studio aussi. Deploy Studio, c'est une solution, en fait, qui te permet de fabriquer Deploy Studio, ça te permet de déployer des images. Les images, tu les as fabriquées soit avec Disk Utilities, ou avec un utilitaire terminal. Oui. Prends la paire d'écouteurs en arrière de toi, sur la table. Là. Le fil est plus long. Ah, OK. Fait que... on dirait des écouteurs, un casque d'écoute de pilote d'avion, là, mais... C'est correct. Moi, j'aime ça, ça. Vous savez, j'aime toujours porter... des casques d'écoute. C'est celui-là, ici. Tiens. Je m'entends, c'est merveilleux. Je m'entends pas pendant tout. Tu t'entends pas? Jouer, non. T'es-tu... Ben moi, je t'entends. T'es-tu le bon, ça? Toi, tu m'entends? Ouais, ça, t'as connecté le bon. Puis t'as-tu... tu m'as-tu déconnecté ceux-là, oui? Oui. OK, mais ils fonctionnent pas, fait que je vais juste les porter c'est pour ça. C'est pour ça qu'ils étaient sur la table. Ouais, ben non, ils étaient à côté de l'ordi. Ah, mais c'est poche. Ah, ben tu revues-tu tes blancs? Non, je vais vous entendre. Il n'y a pas comme une switch on-off dessus ou quelque chose? Hein? Ouais, mais il semble qu'il y a des boutons, quelque chose, sur le côté, ici, en avant. Comme un bouton de volume? Genre. Parle-toi. Tu nous entends-tu, là? Oui, je vous entends. Ah! Super. Malade. Bon, OK, on disait que c'était quoi, là, le... On parlait des cours que j'allais passer à l'INIS. D'ailleurs, il y a un article sur Mac Québec cette semaine à propos qui a été écrit par Virginie Goyette de l'INIS et qui explique pourquoi en fait faire sa certification à Apple. Il y a peut-être des gens qui sont intéressés dans l'auditoire à me voler de la job. Aider les gens avec leurs problèmes à Apple. Et à ce moment-là, en fait, la certification Apple peut être un bon atout. D'abord, ça permet d'être OCN, comme la petite chemise que j'ai ici. Je suis Apple Consultant Network. Donc, ça permet d'avoir accès à un magasin exclusif de vêtements Apple. Oui, et ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont ma taille. Parce que c'est donc, pas tout le monde. Oui, c'est ça. Frank and Note n'ont pas ta taille. Non. On avait déjà fait. Frank and... Oui, eux autres. mais t'as-tu vu le président de ça? Il se cache deux fois derrière moi. Ben, je sais bien. Quand on l'avait vu, c'est comme... T'es le seul mec dans l'image que 16-9, là. C'est ça. En fait, l'article, on peut utiliser le logo d'Apple dans la promotion. Okay. Parce que vu que tu es ACN, ben, tu as ce droit-là. Tu peux avoir accès à certaines promotions. Entre autres, tu peux acheter certains logiciels Apple pour vraiment moins cher, genre Final Cut pour 30$. Ah, c'est intéressant. C'est intéressant quand même, considérant que le logiciel est 200, 300. Uh-huh, à peu près. Fait que tu payes 200 piastres. Tu fais surtout ça pour faire du support technique. Effectivement. Faut pas juste ça pour s'acheter une chemise pour Final Cut. Non, ouais, c'est sûr que vu de même, je vous parlais des avantages sur le side, là, mais effectivement, en fait, ça permet de certifier aussi que vos connaissances ben sont bonnes pour ce que vous faites. On va souvent chez des clients qui nous disent « Ah oui, j'ai engagé mon neveu, mais ou j'ai engagé quelqu'un qui disait qu'il connaissait ça, mais finalement, il s'est assis devant, puis il a réparé permission 6 fois, puis ça s'est pas amélioré. » Mmh. Fait que c'est ça. Fait que c'est un très bon article que je vous invite à lire, et ça parle un petit peu de qu'est-ce qui est intéressant, pourquoi c'est intéressant de devenir certifié et de devenir assez aussi, comme ClickPom l'est, entre autres. Messieurs, est-ce que vous avez des coups de 12 ou des coups d'os? Moi, je n'ai pas. Là. Je vais donner le coup de 12 en général aux Olivier. C'est pas terrible. Non, mais moi, j'ai bien aimé la fin avec Sugar Sammy quand il dit... quand il parlait en Punjabi. En Punjabi, puis qu'il invitait ses amis. Ça fait quelques années qu'il fait la blague, mais c'est tout le temps. Accoucher avec les femmes blanches, puis les mettre enceinte. Exactement. Non, c'était correct. De toute façon, les galas, c'est tellement rendu plat. Moi, j'ai... C'est tellement rendu à faible budget, là, les galas. Ben, moi, il me semble, mes souvenirs, là, quand j'étais plus jeune, puis que j'écoutais comme le gala de la disque ou le gala des Metro Star ou des Gémeaux, il me semble que c'était dans une grande salle, puis tout le monde était là, puis ça avait vraiment l'air d'un gala. Mais là, c'est rendu maintenant. Ils font ça dans des petits studios de TV. Il y a comme... C'était le studio 42. C'est 40, quand même... 80 personnes dans l'assistance, puis ils font des plans super rapprochés pour qu'il y ait l'air d'avoir beaucoup de monde, mais la caméra est à 2 pouces là, de la face là, de la. Personne. Mais les gags n'étaient pas nécessairement très drôles. Je ne sais pas si eux se sont amusés. Il y a Guy Nantel qui a parlé de Gaberoy parce qu'ils ont déjà eu une engueulade ensemble. Il y a eu des numéros un petit peu ratés, là, des trucs comme ça. L'animation était correcte. Les Denis de Relais, c'était correct, mais c'était... Ah, j'ai trouvé ça drôle, moi, l'écorcher l'autre, puis dire que sa carrière était comme down the drain parce qu'on n'entendait plus parler. Mais Gilles Latulippe, à la fin, c'était bien. Tu sais, avec Gilles Latulippe, quand François Morancy est monté sur la scène pour le gala de l'Olivier de l'année... C'était pas tête. Non, c'était pas tête. C'était pas tête. Non, mais pas, tu le voyais dans face à François, là. Okay. C'était comme... c'est comme... Il y avait un petit laisser-aller du côté de M. Latulippe, qui semble avoir le même âge depuis le temps de Poivre et Sel. Bref. C'est vrai, hein? Oui. sachez que vous pouvez nous soumettre vos questions, et nous en avons cette semaine, ou vos commentaires, nous en avons eu quelques-uns, sur les sujets que nous allons aborder aujourd'hui via Twitter en utilisant le hashtag PodMQ sur la plateforme MacQuébec Entraide, qui n'existe plus, en fait, le forum MacQuébec, ou en nous écrivant à podcast@macquebec.com ou par téléphone, mais laissez donc un message, au 1-877-561-2357. Ça se peut qu'il y ait un message qui vous dise qu'il n'y a plus de fond, bien que l'abonné... L'abonné que vous tentez de joindre. L'abonné n'a pas donné signe de vie là, pendant... Bon, ben on ira récupérer un nouveau téléphone. Pardon, un jingle, c'est ça qui était écrit. Mac-Québec se poursuit dans un moment. Besoin d'aide pour votre réseau informatique? Faites appel aux experts de ClickPom, entreprise spécialiste en solutions informatiques des produits Apple. Que vous soyez un professionnel ou une entreprise, ClickPom peut vous aider dans l'intégration, le déploiement et le support de votre parc informatique. Visitez notre site web pour plus de détails au www.clickpom.com. ClickPom, le meilleur de la pomme sans les pépins. Mac-Québec. De retour au podcast de Mac-Québec. Ça fait bien ça, Jean-Michel. Un vrai bon régisseur, hein? Oui. Exactement. Et meilleur tagline ever, le meilleur de la pomme sans les pépins. Grosse nouvelle cette semaine, messieurs. Apple nous informe, en fait, avec cette nouvelle-là, que leurs écouteurs ont besoin d'un boost. Donc, Apple s'achète Beats, ou en fait, c'est une rumeur parce que c'est pas encore confirmé officiellement, mais il y a beaucoup de signes qui montrent très récents, entre autres. 50 Cent se dit que... non, Dr. Dre. Qui était en maudit, on dit Dr. Dre. Dre, ah, c'est Dre? Dr. Dre. Ah, Dr. Ouais. Dre. Ah ouais, j'avais même pas. C'est Dr. Dre. Ah, OK. C'est Dr. Dre. Ah, ben merci. Ben. Non, c'est Dre. Dre. Mais on dit Dr. Dre. Okay. Donc, Apple qui aurait acheté, et c'est une de ses très grosses acquisitions dans les dernières années. On est habitué de les voir acheter des petites compagnies plus low profile, autour de 100-200 millions de dollars, jusqu'à 400. Là, ils auraient acheté la compagnie pour 3,2 milliards de dollars. Ça n'a pas d'allure. Non. non, mais c'est vrai, il y a un peu raison. Ça vaut-tu vraiment 3,2 millions, ça? Ben, tout le monde a ça, les écouteurs Beats. Ben oui, tout le monde, c'est sûr. À part nous trois ici, là. Ben, c'est parce que je pense qu'il donne avec un manteau Canada Goose. T'achètes un manteau Canada Goose, puis il donne des Beats. Ça se peut. Parce que moi, tout le monde que je vois avec ensemble, un Canada Goose, ils ont des Beats. Ouais. OK. Faut savoir qu'il y a trois grands airs. En fait, oui, il y a vraiment. On peut dire que Beats, il y a trois grands axes à sa mise en marché. D'abord, en fait, toute sa ligne d'écouteurs comme tu me le disais, là, allez dans Google, vous pouvez vous ouvrir une page à côté, tapez Beats Headphone R espace et vous allez voir qu'est-ce que l'omnibar remplit. Vous avez crap, terrible, overrated, puis bon, il y en a une suite comme ça. Bizarrement, la qualité sonore des écouteurs de Beats est pas terrible. Pour une paire d'écouteurs à 300 $, on s'accorde qu'on est capable de trouver beaucoup d'autres. Parce que c'est justement le marché, c'est pas les audiophiles, c'est vraiment les jeunes qui veulent s'acheter ça parce que se rendre sourd avec leur MP3. Ouais, c'est ça, parce que tout le monde a ça, puis c'est l'affaire cool à avoir ce temps-ci. Donc, la qualité sonore, oui, est meilleure là, qu'une paire d'écouteurs Sony à 20$, mais est loin d'être comparable aux autres écouteurs du même prix. Là. À un Sennheiser, à un Grado. Ça, j'ai essayé des Beats, mais jamais ça. Ça, je les aime, mes écouteurs. Ouais. Ouais, je les aime beaucoup. Puis pourtant, c'est une paire d'écouteurs qui est à peu près la moitié du prix de ce qu'on peut trouver. Ou... Mais moi, j'ai des... En fait, les plus petits de Beats, ouais, on peut les trouver autour de 200$. Moi, j'ai des Bose Quiet Comfort chez moi, puis ils sont moins chers que les Beats qui sont comparables. Donc, les Beats, le studio, je crois, avec l'annulation de bruit. Là. Effectivement, qui sont autour de 300$. Quarantaine de dollars moins chers que les Bose. Effectivement. Par contre, Beats a réussi quelque chose. En fait, ça, c'est le deuxième axe de Beats. C'est un service de location de musique qui, on l'a appris, a autour de 100 000 abonnés dans les 6 derniers mois, ce qui n'est pas terrible. Faudrait que je l'essaie. J'ai obtenu chez Target le mois dernier aux États-Unis un code d'essai gratuit d'un mois que je n'ai pas activé encore, mais il faudrait que je l'essaye. C'est un genre de... Que t'obtiennes aussi une commandite de Target pour le podcast. Ouais. Au nombre de fois, un homme dans le show. Le service d'audio de Beats, c'est comme Google Play Music ou iTunes Music Radio? En fait, ce serait plus un service de location comme Napster en est un. Quelque chose comme ça. Donc, tu payes par mois. C'est un Netflix de musique. Tu payes par mois, puis tu as accès à des Pandora, en streaming. 100 000, c'est pas gros. 100 000, c'est pas gros, effectivement. Mais c'est nouveau, c'est récent. C'est récent, ça a 6 mois. OK. Fait que ils s'attendaient à avoir plus que ça. Il y a tellement. C'est disponible seulement aux États-Unis. Aux États-Unis, il y a tellement de compétitions. Il y a Spotify, il y a. Qui sont Pandora, gratuits. Il y en a certains qui sont gratuits. Donc, comment ça s'appelle, le Groove Shark, qui offre une affaire, faire une chose similaire comme ça? Ça peut être difficile de se démarquer. Il y a du monde qui pense que Apple aurait acheté Beats pour ce service-là. Par contre, ils avaient déjà acheté. C'était quoi? C'était. Songza? C'était pas Songza? C'était qui? C'était Songza? Non, Songza, ça existe encore. Ah ouais? Non, c'est quelque chose comme LAN. Ça commence par L, je crois, le nom. Ah, je me souviens plus c'est quoi. Ça fait quand même une couple d'années qu'ils ont acheté cette compagnie-là. Puis les gens pensent que c'est devenu iTunes Radio, mais c'est pas le même service. Là. C'est un service d'abonnement streaming. Lala. Donc là, ils auraient déjà Lala. Puis, ils rajoutent Beats à ça pour développer peut-être un service de location. Ça fait longtemps qu'on en parle pour iTunes. Le troisième, puis ça, c'est un peu plus dans l'éther, en fait, c'est que Apple s'apprête, on l'a vu, à lancer un appareil Internet connecté qui serait une montre. Et je vous en parlais avant l'émission. Qu'est-ce que tu fais? Je sais pas, je touche à rien. Okay. Donc, je vous en parlais avant l'émission. Donc, ils s'apprêtent à lancer, en fait, un appareil connecté. Et ils peuvent pas vraiment, s'ils veulent toucher à tout le monde, c'est un appareil que tu vas porter sur toi. Donc, le téléphone, il est pareil pour tout le monde, mais tu l'as dans tes poches la plupart du temps, puis tu le sors, puis c'est pas grave. Une montre, il y en a des modèles pour les fins et les fous. Donc, Apple peut probablement pas sortir le même modèle pour tout le monde. Et à ce moment-là, si, un peu comme on voit chez Pebbles, ils ont commencé avec une montre moins chère qui était pour les ce qu'on appelle les early adopters, les adopteurs précoces. Et elle était en plastique, elle n'avait pas nécessairement de style. Et au dernier CES, ils ont annoncé leur Pebbles en métal. Justement pour aller chercher un autre secteur de marché, les gens qui commençaient à être intéressés à un produit comme ça, mais qui voulaient peut-être plus de style. Donc, Apple aurait acheté Beats parce qu'ils vont créer plusieurs types de montres et ils utiliseraient peut-être la marque Beats pour essayer de pousser cet appareil-là vers le marché des jeunes. Je suis pas sûr qu'ils vont utiliser la marque Beats. Ils vont peut-être plus utiliser des brevets là, que Beats pourrait avoir ou des idées de design que Beats pourrait avoir. Ça m'étonnerait que... Ou, il y a comme iChuck qui dit sur Twitter, si Apple remplace les écouteurs par des Beats, ça va-tu faire augmenter le prix de l'iPhone de 100$ qui parle que l'iPhone va coûter 100$ de plus? Ah oui, c'est vrai hein, qu'il avait sorti ça. Ça serait une bonne raison, ça serait en une fait. Bonne raison si, mettons, t'achètes ton iPhone 6 puis t'as une paire, peut-être pas la paire de Beats à 300$, là, on s'entend, là. Uh-huh. Mais t'aurais une paire de Beats... Apple l'a déjà fait par le passé. Acheté Final Cut, puis qui valait... quand ils ont acheté Final Cut ou Color, par exemple, plus récemment, c'est un logiciel qu'ils vendaient 25 000$. Ils l'ont bundlé avec... avec le package Final Cut Studio. Puis c'était C'était 2 500 $, donc 10 fois moins, mm-hmm. alors que c'était un excellent logiciel de colorisation. Ça leur est arrivé... Il y a un fantôme dans la place. Ça leur est arrivé de prendre des technologies puis de les inclure. On parlait au début du show, ça doit coûter 12 piastres ben oui, de matériel rien, faire une là. Paire de beats. Parce ouais. qu'en plus, on parlait aussi de la Google Glass tantôt. Oui. Ça coûte 1 500, mais l'autre jour, il y a eu un rapport qui est sorti que ça coûtait 81 piastres faire une Google Glass. Là, ouais. Avec le matériel qu'il y a à l'intérieur, 81 piastres, là. Allô? Effectivement. Tiens. L'autre chose aussi, c'est... Mais, Google, là, ils doivent tellement avoir de recherche et développement remboursé là, pour ça. Là, c'est pour ça qu'ils n'ont pas le choix de vendre ça à 1 500. L'autre chose aussi, c'est que les deux personnes de Beats deviendraient en fait des VP chez Apple. Oui, c'est ça. Aideraient à certains égards. Par exemple, probablement Dr. Dre, je sais pas, il irait rajouter de la basse partout. donc, il serait, je sais pas, VP de la bass. Puis Jonathan Levine ou quelque chose comme ça, l'autre gars, lui, serait consultant auprès de Tim Cook, d'après ce qu'on a entendu. Ben moi, j'ai pas intérêt à ça. Là. Non? Ça m'intéresse pas. C'est pas une marque qui m'intéresse. C'est pas une marque qui m'intéresse, puis ça m'intéresse. Si tu me donnes une paire de Beats, honnêtement, je vais la prendre. Pour 100 pièces de plus? Ben par rapport aux écouteurs là, in-ear qui blessent, là, qui sont pas nécessairement agréables, ouais, tu donnes une paire de Beats blancs. Oui, mais il y a une méchante différence entre cette version-là et les versions avant. Oui, c'est clair. Il y a une méchante différence de son. Les AirPods sont beaucoup meilleurs. Mais peut-être que ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont faire une version avec les AirPods de base et une version 100 piastres de plus, mais avec des Beats dedans. Apple n'est pas reconnu pour faire ça. Puis je ne les vois pas non plus vendre un produit qui est à haute marge pour l'instant, là, puis avec lesquels leur propre magasin fait probablement beaucoup d'argent. Je les vois pas les bundler en laissant le logo Beats dessus. Là. Ça, c'est clair que ça s'en va. Là. Il va avoir une pomme sur le côté. Ouais, là, certainement. Ça ne sera pas un B. Là. C'est comme... Exactement. Mais c'est peut-être le logo le plus facile à rétrofitter pour faire une pomme. Uh-huh. Mais sinon, pour ceux qui veulent s'acheter une paire de Beats avant que Apple acquiert la compagnie officiellement, on a Marc-Antoine Bertillon qui nous dit sur Twitter que les Beats Executive et Wireless sont à 50% chez Target. Et puis là, si je peux me permettre un commentaire, il marque quantité très limitée. Mais je veux juste. T'as pas besoin de préciser quantité très limitée quand tu parles de Target Canada. Tout est très limité dans le magasin. C'est le concept de Target Canada. Une quantité très limitée. Il y a quelque chose dans la circulaire, c'est parce qu'il y en a deux dans le magasin. Donc, vous créez une rareté, les gars. C'est assez incroyable. Ouais. Comme ça, ils peuvent justifier que le prix ne sont pas aussi bas que chez Walmart. Fait que, mais les dons de côté pour nous autres, c'est à 50%. Donc, fin de la parenthèse Target. Bon. Excellent. Autre nouvelle, Apple est sur une espèce de en tout cas, il y a du monde qu'il faut qu'ils rentrent dans la boîte, c'est évident là. Ils sont en train de construire leur nouveau bureau, puis d'après moi, ils veulent le remplir assez vite. Oui, effectivement. Ils veulent pas être obligés de faire de la sous-location parce que ça paraîtrait mal. Mais effectivement. Très mal. On a loué à HP. Apple a engagé le responsable de l'appareil photo du Lumia, qui était responsable de l'appareil depuis 2013, Harry Partinen. Donc là, j'aimerais pas qu'on parte de rumeurs. Il serait possible que l'appareil photo du prochain iPhone soit de 43 mégapixels comme le Lumia 1020. C'est pas 41, 43! Ben, il y a quelques temps, je sais pas si on en a parlé au podcast, mais il y a une nouvelle qui est sortie comme quoi Apple utiliserait une lentille... en fait, un capteur avec beaucoup plus de mégapixels, mais que la raison, ce serait pour faire une espèce de système anti-shake avec ça. Donc, l'appareil prendrait quelques photos quand tu pèses sur le bouton et il ferait une espèce de moyenne de tout ça pour construire une photo la plus clean possible sans... Je pense que l'appareil photo là, sur l'iPhone, c'est l'affaire qui a le plus changé depuis le début. Ça n'a pas de crise de bon sens. À chaque génération, il change l'appareil photo. Que tu aies une caméra de 41 mégapixels ou une caméra de 12 mégapixels, là, c'est pas le 12 mégapixels ou le 41, c'est le photographe qui est derrière l'appareil qui prend la photo qui oui, est bonne. C'est ça. Ça ne change absolument rien au grain. C'est vrai, OK? Sauf que il y a du monde qui sont capables de prendre des photos normales, là. Tu sais, Instagram en est plein. Ouais. Puis, il y a le reste du monde qui font « Hein, comment ça, à chaque fois que je prends une photo, elle est dégueulasse. » Fait qu'eux autres, il faut les aider. Shake pas. C'est ça, shake pas. Prends tes pilules, là. Peut-être que ça, c'est pas le meilleur moyen. Non, parce que faut pas oublier que le volume up du téléphone... Le piton volume up sur tes écouteurs peut servir aussi. De télécommande. Le fait volume que tu pointes up. D'une main, que tu bouges pas, puis de l'autre, ouais. Tu cliques. C'est un déclencheur. C'est un déclencheur. Puis avant, là, ça fonctionne plus à cause du mode burst. Tu sais, que tu tiens le mode burst, c'est maintenant tu laisses ton doigt sur le bouton, puis mm-hmm. ça prend plusieurs photos. Avant, tu mettais ton doigt, puis les gens s'en rendaient pas compte, mais c'est quand t'enlevais ton doigt que la photo se prenait. Fait que les gens, ils faisaient clic comme ça, ils faisaient bouger leur appareil. Puis moi, je les arrêtais aux pommes, puis tout, puis je faisais « Hey, tu sais, tu vas beaucoup moins shaker si tu mets ton doigt, tu bouges pas, puis tu l'enlèves, tu sais. » Puis là, la photo va se prendre, puis ça va beaucoup moins shaker. Puis le monde était là comme « Ah, t'as regardé ouais, en voulant dire, c'est quoi son problème, lui? » Ouais, c'est ça. Pourquoi tu me parles, est-ce que j'ai un téléphone? Mais non, par exemple, ça m'intéresse un peu plus parce que le gars de Lumia, il va avoir mis ses idées de logiciel à l'intérieur. Oui, parce que il y a quelques bonnes innovations au niveau de l'appareil photo chez Lumia, effectivement. Oui, chez Nokia, là, le 1020, là, le Windows Phone, là, la caméra qui est après ça, là, les options. J'aimerais beaucoup ça que la prochaine version d'appareil photo soit à peu près comme le Lumia 1020 ou le n'importe quel appareil photo qui a plusieurs options à l'intérieur, comme le S5 aussi. Parce que c'est bien beau pour juste peser sur le bouton ou faire l'autofocus, là, mais il y a plus d'options que ça. Là. Tu peux même pas choisir ton ISO, ton ouverture, whatever. Fait que j'ai vraiment hâte que ça serait. J'aimerais bien ça. Sinon, faut que tu passes par des applications tierces. Fait que, mais non. On va voir à ça le 2 juin qui arrive à grands pas. Oui, Apple qui fait toujours sa grande messe autour de ma fête. C'est vrai. Oui. J'invite tout le monde. 2 juin. Le 2 juin, on verra aussi fort probablement l'annonce de iOS 8. On s'attend à ce qu'il y ait moins de changements du côté de iOS 8 que du côté de iOS, probablement 10.10 Yosemite. En fait, moi, je mets mon argent sur Yosemite. Mais parce que l'année passée, c'est beaucoup le look de iOS qui a changé. Donc, cette année, ils vont améliorer des trucs, ils vont rajouter quelques fonctionnalités, mais il ne devrait pas avoir de grands changements au niveau du look. Peut-être de l'atténuation parce qu'il y a du monde qui ont chialé, mais tu travailles dessus et tu t'habitues. Là. Nous autres, on l'a eu en juin quand c'est sorti. Il y a eu plein de monde qui ont gueulé. Aujourd'hui, je pense que les gens se sont un petit peu plus habitués. Mais il y a des rumeurs de multitâches simultanées dans iOS 8. Donc, sur le iPad, on serait capable d'ouvrir 2 applications en même temps. Un peu une fonctionnalité qui est déjà offerte sur les tablettes Surface de Microsoft et je crois sur certaines tablettes de Android aussi. Ouais, même sur les gros téléphones, c'est un téléphone, mais c'est une tablette qu'on pourrait dire, là, les Galaxy Note, je sais pas trop quoi. Ouais. Galaxy Mega. Ouais, c'est ça. Donc, il y a déjà ça. Ça peut être utile pour un certain nombre de choses. Faire du drag and drop, peut-être, entre 2 applications, ça peut être le fun. Mm-hmm. Mais les gens qui proposent ou qui poussent ce genre de concept-là, souvent, c'est juste des... Ah, moi, j'aime bien ça, faire du drag and drop entre 2 applications. Mais il y a un manque de vision derrière ça, dans le sens où Apple... Et pas là. Apple, ils ont un système un ordinateur qui fonctionne comme ça. Et ils proposent autre chose sur leur tablette. Puis, à date, ça a bien marché. c'est sûr que c'est une fonctionnalité qui semble intéressante. Il y en a un paquet qu'on peut aller voir sur les appareils Android, les appareils Microsoft, puis qu'on pourrait trouver intéressante. Je sais pas, mettre une carte SD, pouvoir brancher quelque chose en USB. Tu es malade, toi? Ben, oui, mais il y a encore, tu sais, des gens qui vont sortir ce genre de truc-là. Je veux brancher... On peut même pas brancher un USB sur son iPhone. Regarde, c'est pas grave. Il y a du Bluetooth, puis ça marche. Oui, oui. Non, mais tu sais, comme sur l'iPad, calisse. Mettez une carte SD au moins. Non. Tu trouves? Non. Non? Non. Il y a un lecteur de carte SD, tu sais. Oui, oui, c'est ça, mais faut que t'ajoutes le connecteur. Oui, mais. Tu sais, les gens, ils vont dire: ah, oh, un iPad, c'est super fragile parce que ma grand-mère, elle en a un, elle s'est assise puis il a cassé. Elle se touche n'importe quelle technologie, ça va casser, là. Tu sais, essaye avec ton 42 pouces, là. Maintenant. Tu peux pas te baser sur une expérience. Sur les 800 millions d'appareils iOS qu'il y a dans le monde, il y en a combien qui ont pété? Mets ça en pourcentage, puis tu vas te rendre compte que c'est solide, un iPhone. Ça, c'est de la manière qu'il faut le faire. Tu peux pas comme prendre une expérience personnelle puis dire: ah, oh, c'est fragile, un iPhone, parce que le mien, il a pété. Tout est fragile. Toutes les technologies sont fragiles, sauf les vieux Nokia de 1992. Les bleus, ouais, c'est la brique, là. Oh, oui, pitcher ça dans un coffre. Dont la majorité fonctionne encore. Ils devraient faire des annonces comme Toyota fait, là, genre la 90% des Toyota vendus depuis 1998 sont encore sur les routes. Là. Okay. On va en passer vite, là. Les hosties d'annonces de garantie d'assurance d'habitation, puis de char, là, plus capable, là, c'est juste ça de ce temps-ci, là. Je sais qu'il y a une guerre entre les compagnies, là, mais je suis plus capable. Là. Hier, je capotais. Moi, là, j'adore le petit effet de SSQ Auto, là, qui tient son iPhone là, comme ça, puis là, que t'as l'arme, là, puis là, qui shake, là, puis là, l'arme finit de rentrer. Là, non, c'est mais... Des effets spéciaux de télé là, à son meilleur. Ah ouais. J'en note. T'sais, non, mais c'est vrai qu'ils sont fatigants. Là. Si j'en veux une assurance, là, je vais aller m'en chercher une. Ils sont vraiment fatigants. Ils sont en train de nous le rentrer dans le. Veux-tu une collation? Santé, bien sûr. Non, elle, c'est la pire. Sais-tu pourquoi c'est la pire? Parce que elle accepte. Tu sais, c'est pas comme ça que ça fonctionne, non. Un ajusto. Uh-huh. Mais elle a accepté que ça fonctionne de même, puis que l'ajusto, c'est toi en train de l'écouter. Uh-huh. C'est-tu une malade, bien qu'un peu? Espèce de fasciste. Non, mais voyons donc, t'as plus de vie privée, la grande, pour économiser 25 % sur tes assurances. Non, jusqu'à 25 % Ouais, jusqu'à. Non, mais le... t'entends 25 % là. Le... Tu sais, elle dit 25 % de niaiserie, fait qu'elle va-tu l'avoir, son 25 % d'économie? Moi, je suis sûr que si quelqu'un finit par économiser 25 % sur ses assurances avec ça, ils vont dire fuck off, le gars, t'as tellement été bon, on va te donner tes assurances pour l'année. C'est tellement être impossible. On est sûr. Puis tu sais, c'est 25, c'est toujours des rabais. Oui. Jamais un produit qui va te donner quelque chose. Y a-tu quelqu'un qui paye sa police d'assurance comme au rack rate, là, c'est genre le tarif maximum d'assurance? C'est qui les paye qui paye ça comme au prix normal? Tu sais, c'est comme, ça doit être la même personne qui appelle un hôtel puis qui dit: non, chargez-moi le prix standard, là, pour ma chambre. Là. Salut, j'ai trouvé ton hôtel sur Trivago, fait que ça doit être le prix le moins cher, mais. Combien tu charges? C'est quoi le prix, là? C'est celui-là que je veux. Tu sais, c'est quoi le prix si j'arrive le soir même? Ah, 800 pour la nuit au Quality Inn? Là, ben, c'est parfait. Que charge-moi ça, là, tu sais. Mais moi, je veux que vous restiez ouvert. Je veux vous payer le vrai prix, là, tu sais. Si tu penses que c'est ça que ça vaut, moi, je te crois. C'est n'importe quoi. Mais bon. Pour revenir à quoi qu'on parlait déjà, non? On parlait des rumeurs de multitâches. Ah oui, les rumeurs, oui, c'est ça. On voit le lien. Aussi, hein? On a vu aussi beaucoup de mock-up d'iPhone. Sont toutes plus grands, sont toutes plus minces. On va voir quand ils vont arriver. Ben, ça va être sûrement ça. Pour la semaine prochaine, on devrait en faire un mock-up d'iPhone. C'est la grosse mode de ces temps-ci. C'est vrai, c'est vrai. On devrait. Tout le monde pense que ça va être annoncé au WWDC, mais ça n'a jamais été annoncé à cette date-là. Ben, une fois, c'est le premier. Non, c'est annoncé à Macworld au mois de janvier. Ah oui, c'est vrai. Puis c'est sorti 6 mois plus tard en juin. Oui, en juillet. Juin-juillet, mais aux États-Unis seulement à ce moment-là. Un fournisseur, pas de contrat. Puis... 900$ le téléphone. C'est ça. Avec Steve Ballmer. 4 gigs dans le temps. Ouais. Ah, c'était 4. Mon Dieu. C'était 4 puis 8, le premier. Avec Steve Ballmer qui s'exprime, il n'y a jamais personne qui va vouloir payer ton téléphone à ce prix-là. Regarde, ils vendent encore des iPhones, puis Steve Ballmer plus là. J'ai rajouté cette petite nouvellette parce que je sais qu'on a des gens Outre-Atlantique qui nous écoutent. On les salue. Et on vous rappelle que vous pouvez changer de magasin iStore pour faire un commentaire App Store, iTunes Store, c'est-à-dire pour faire un commentaire directement sur le magasin canadien à propos du podcast. On va un peu moins souvent sur le magasin français parce que ben on n'a pas envie de voir nos chanteurs qui sont sur votre magasin à vous. Non, ils ont assez ici. C'est ça. Ils reviennent des fois. Hein. Ouais, c'est ça. Donc on, c'est quoi, c'est où qu'on regardait là, genre, c'est sur iTunes Radio américain. Il y a beaucoup, il y a les chanteurs québécois. C'est ça qu'on regardait. Ben on regardait ça le soir. Ah, oui, c'est vrai. Avant de s'en aller. Ouais, ben, les chanteurs québécois. Il y avait Éric Lapointe. Là, Marie-Mé. Marie-Mé. Ginette Renaud. Je l'aime, moi, Marie-Mé. Ouais. Donc pour vous, ben il y a une réunion Cocoa Heads à Paris et à Lyon qui a lieu le 15 mai. Et je le plug parce que je me dis, ils ont encore deux jours pour communiquer avec nous, nous inviter. Puis il n'y a pas de problème, on va y aller si les billets sont payés. Ça va nous faire plaisir. Donc, c'est à Paris, à Lyon. C'est évidemment très axé sur iOS. C'est varié. Il y a plusieurs, thématiques qui vont être... qui vont être couvertes, dont Core Data, la distribution d'apps via serveur qu'il faut doter d'un certificat SSL, le débogage de code JavaScript dans UI WebView via Safari et une présentation de Pop, le moteur graphique de Facebook utilisé dans l'application Paper, qui est une très, très belle application. Hey, t'as-tu vu cette semaine quand Facebook a enlevé sur l'App Store Poke et l'application vidéo, je ne sais pas trop, là? C'est caméra. Ils ont enlevé ces deux. Hey, là, le monde, mon Dieu. C'est quelqu'un qui encore qui utilisait ça, poke? Je sais pas, moi, si j'en recevais, je repokais pas back. Là. Non, c'est clair. Là. C'est, hey, en plus, c'est rendu caché, cette affaire. Ah oui, le bouton est rendu caché, ça n'a pas d'allure. Avant, ben c'était ça, le feature sur Facebook. Ben oui, maintenant... c'est ça, tiens. Oui, allô, je suis là. Mais bon. On rit. Des fois, le monde capote. Ils ont enlevé une application. Ben, c'est le même monde là, qui marque là, dans leur statut quand Facebook fait un changement de design. Ah, Facebook s'est rendu lettre, j'arrête de l'utiliser. Fais donc ça. Imagine-toi, cette semaine, Twitter s'est mis à jour pour trois pages. Tu sais. Ting, ting, ting, ça ressemble à Facebook. Ah, ça ressemble à Facebook. Mais ben, oui, pis ça. Fait que, moi, je ne vais jamais sur Twitter.com. Là. Non, moi, je regarde les profils sur. Je regarde moi, sur Twitter. Ben, moi, j'ai encore l'ancien layout de profil. Là. Je ne l'ai pas changé. J'ai le nouveau, moi. On a le choix de le changer ou non? Oui, tu as le choix, c'est ça. Mais moi, je lis jamais Twitter.com. Là. Je vais tout le temps sur mon tweetbot là, ou whatever. Là. Hein? Je ne vais jamais là. Ah oui, on peut muter maintenant. Ben oui. Mais oui, ce qu'on pouvait faire depuis que tweetbot existe. Là, mais... maintenant, tout le monde voit l'utilité de ce feature-là. Effectivement. Une nouvelle assez intéressante, en fait, pour la médecine. On sait qu'Apple s'en va beaucoup là-dedans, mais il y a un dispositif qui est développé par le professeur George Jouridakis de l'Université de Houston aux États-Unis. George Jouridakis. Et en fait, c'est un dermoscope qui vaut 500 $. Mais pour l'équipement médical, c'est pas très cher. Et ça sert en fait à détecter des mélanomes cancérigènes sur la peau des gens. Le dispositif est déjà en test au Texas. Il obtiendrait de bons résultats. On parle de 85 % de diagnostics corrects, soit le même taux de réussite que des dermatologues et meilleure performance que des médecins généralistes. Donc, un dermatologue, tu sais, c'est meilleur que... le service de base, c'est équivalent au service de base que tu vas avoir en ce moment. Et comme c'est meilleur que les médecins généralistes, ben c'est peut-être les médecins généralistes qui devraient acheter leur dermoscope. Fait que ça libérerait les dermatos. Que, oublie ça, tu as besoin d'un rendez-vous que ça prend je sais pas combien de temps avant d'avoir un dermato. Là. Effectivement. Ton médecin de famille... tout dans le cours du chirurgien qui lui... Non, mais du médecin de famille. Non, mais je veux dire, une fois que le diagnostic est fait, il faut quelqu'un pour te l'enlever. Oui, mais c'est ça. Mais tu sais, ça s'en irait tout chez le médecin de famille, généraliste. Fait que le monde aurait plus de... T'sais. Puis comme Barrette en a promis un à tout le monde d'ici 24 heures, on est gros dur, tu sais. Pas de problème. Ah, gros dur! Excusez-moi, j'ai repris une... Le Journal de Montréal. Ouais, voilà, désolé. Bon, mais ça mérite bien Timbit, ça. Timbit, c'est frais du jour. Hein? Cette pause publicitaire, Tim Horton est présenté par... Attends, donc... je vais t'en offrir un, ça va avoir l'air. Prendrais-tu un bon Timbits frais du jour? Peut-être penser à Élise Marquis et Joël... C'était pas Joël Legendre, c'était qui? Oh. C'était Patrick Labbé. Oui, c'est ça. Moi, ce qui m'inquiète de ça, par exemple, le dermoscope, ouais, c'est que ça détecte une affaire. Fait que là, moi, j'en ai un, là, une espèce d'étui dans mon sac. Là-dedans, j'ai une housse spéciale pour connecter un iPhone après un trépied. Mm-hmm. J'ai le Square pour passer une carte de crédit. J'ai le Tune, je sais pas quoi, le truc à infrarouge pour contrôler une télévision. Ouais. Tube Time. Tube Time. Ouais. J'ai l'adaptateur pour connecter quelque chose USB, l'adaptateur pour connecter le truc SD. Puis j'ai peur que les médecins soient obligés. J'aimerais ça qu'il y ait un truc qui fait tout, tu sais, un peu plus gros, là, grosseur gun à barcode là, ou quelque mm-hmm. chose comme ça. C'est pas obligé qu'il se connecte. D'ailleurs, il y a un projet Kickstarter en ce moment d'un espèce d'appareil qui est capable de scanner en fait. Un être humain puis de donner pas mal d'informations. Un genre de tricorder qui est capable de te donner, en fait, en scannant un fruit, est capable de te donner le taux de calories qu'il y a dans la bébelle que tu scannes. Tu sais, fait que tu scannes une poutine puis il brise. Moi, je suis content qu'il y ait du développement de ce côté-là. Ce que je veux pas, c'est qu'il y ait 100 000 affaires qui coûtent toutes 500 pièces chacun puis que... fais-en un, il est Bluetooth, il se connecte, puis il fait la plupart du stock que tu as besoin de faire. Il y a iChuck sur Twitter qui nous demande, est-ce que TweetBot est meilleur que TweetDeck? La réponse dans 3, 2, 1... Tellement! Oui! TweetDeck, c'est celui qu'on utilisait avant, puis Twitter a décidé de l'acheter pour le briser, je pense. C'est ça. C'est son dit. C'est cher, TweetBot, mais ça vaut amplement la dépense. Ouais. Ça vaut parce qu'en plus, avec iCloud, ils synchronisent. Ce que tu fais sur ton iOS... Ouais, ton timeline est rendu exactement à la même place sur ton Mac. Puis, ouais. À part si c'est un PC, ça marche pas, là. Mais les deux se synchronisent automatiquement, fait que très bien. C'est 20$ sur Mac, 5$ sur iPhone, 5$ sur iPad. Donc, 30$ au total. Mais sauf que la version 3, je pense qu'elle n'est pas encore iPad. Non, c'est ça, elle n'est pas encore sortie pour iPad. Ouais, c'est ça. Pour Mac non plus, d'ailleurs. Ouais, pour Mac non plus. Là. Fait que, mais c'est ça. J'ai hâte de voir. Mais oui, c'est le meilleur. Même sur Android, il est pas là. Je pensais qu'il le ferait pour Android. Il me semble qu'il. Mais c'est pas une grosse compagnie. Hein. Ça doit prendre beaucoup de ressources développer son 2 là-dedans. Donc, Fait que la prochaine nouvelle, le monde était un peu. Tu sais, on augmente les prix, là, tu sais. Ça, c'est les mêmes qui profitent des garderies à 7$, puis que là, ils capotent parce que ça va devenir 8. Non, ça n'a pas d'allure. Ça n'a pas d'allure. 9$ en 2016. Ah, oh, c'est incroyable. C'est un scandale. C'est un scandale. Netflix qui augmente ses prix. Non, ça, c'est un scandale aussi. Ah, oui. Tu sais, qui augmente ses prix à 8,99 pour les nouveaux abonnés et les dans abonnés... Dans 2 ans pour les abonnés actuels. Actuels, c'est dans 2 ans qu'on va être augmenté de 1$. Mais je pense qu'on va faire... Si ça veut dire une plus grosse bibliothèque de fichiers disponibles, moi, je suis d'accord avec ça. Oui, mais sauf que j'espère que ça plantera moins. T'sais, ça plante, tu trouves? Il y a beaucoup de... Tu sais, moi, je me promène souvent de pays. C'est peut-être pour ça. Non, mais tu regardes... Non, parce que je les ai toutes sur mon Twitter, les Netflix de tous les pays que je les suis. Et... il y en a beaucoup de temps en temps que ça plante, tu sais, je veux dire... Mais ça plante jamais pour tous les utilisateurs en non, même temps. Jamais, ça, jamais, comme, mais sauf que... Un pourcentage, comme 10% des utilisateurs sont affectés, mais aux États-Unis, 10%, quoi, de comme 180 millions? Ben oui, c'est ça, ici, on est rien, on est une peanut, ici, là. Puis c'est hier qu'ils ont sorti ça aussi, Netflix, que le meilleur ISP au Québec, au Canada, je veux dire, c'était Bell. C'était Bell. Bell Fib. Fib to the home. Ouais, pas Network, là, pas Neighbor. Il y avait Bell Alliance, Vidéotron, Shaw, puis Vidéotron, après. Qui c'est qui est en dernier? Je sais pas, j'ai pas... On dira pas, on veut qu'ils continuent à nous prêter des téléphones. Non, il n'était pas en dernier. Il était dans le bas de la liste. Il était dans le bas, mais ce n'était pas le dernier. OK. Ouais, j'ai vu la photo aussi, mais c'était juste comme un snapshot là, de la liste. On ne voyait pas là, tous les derniers. Là. OK, je m'excuse, Roger. Qu'est-ce que je voulais dire aussi? On va accélérer parce qu'il y a M. Sébastien Dupont-B qui nous a écrit directement à Podcast at Mac Québec, qui a osé nous poser une question. Fait qu'on va essayer de te le bichonner, mon gars. Là, on va répondre là, clean, pour qu'il y en ait d'autres qui nous posent des questions. Pour qu'il en ait pour son argent. Oui, donc, exactement. Tu veux que je coupe ça? Non. Mac Québec se poursuit dans un moment. Il est en feu. Besoin d'aide pour votre réseau informatique? Faites appel aux experts de ClickPom, entreprise spécialiste en solutions informatiques des produits Apple. Que vous soyez un professionnel ou une entreprise, ClickPom peut vous aider dans l'intégration, le déploiement et le support de votre parc informatique. Visitez notre site web pour plus de détails au www.clickpom.com. ClickPom, le meilleur de la pomme sans les pépins. Mac Québec. De retour au podcast de Mac Québec. Hein? Par le thème. Les amateurs de Mac, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir. Merci, Jean-François, d'avoir été off. Sinon, on l'aurait tout en même temps, ouais, ça aurait été ben trop clean. Oui, oui, c'est bien. Donc, bienvenue aux amateurs de Mac, bonsoir. Demain, septième partie de la finale contre Boston. Ça va être l'enfer. Ça va être malade. On va se faire étamper partout ces bandes, mais on va patiner, puis on va gagner. On penserait que ça serait ça, ça aurait été ça hier. Oui, qu'on allait se faire étamper. Pas tout, non, tellement torché. On les a torchés. Malade. Les gros trios se sont réveillés. On vous rappelle que si vous avez des questions ou des commentaires à propos du hockey, eh bien, vous vous référez à la soirée du podcast animée par JF Kromp sur RZO Web. Mais si vous avez des questions Mac, vous pouvez communiquer avec nous via Twitter en utilisant le mot clic PodMQ. Et on a deux questions cette semaine. La première, en fait... c'est à propos de... Tu sais que t'as mis ça, la question? Je la vois pas. Je l'ai pas mis là, mais attends. Je l'ai... C'est dans nos courriels. Ouais, tu reçois-tu... Ouais. Non. Ah, tu reçois pas podcast@macquebec.com? Ben non. Bon, ben regarde, tu vas... Je viens de le copier. Fait que tu vas lire ça pendant que je suis en train de chercher la deuxième question. La deuxième question, on vient de l'avoir, là. Oui, c'est ça. Ben, on va répondre à la celle-là, fais-moi. Puis après ça, on puis va... Moi, je vais aller te mettre dans le podcast. Ça va être fait tout de suite. Super. Parle-moi d'un service. Hey, hein, on fait des affaires à trois ici, là. Ah, ça, quand ça marche, malade. Ça marche sur un temps rare. Tu avais dit 10 heures moins quand on est sorti du site. Là. Ah oui, c'est un show... Ben, en fait, c'est parce qu'on rembourse aux gens les 22 minutes... T'sais, normalement, le podcast est censé durer gros maximum 2 heures. Le dernier a fait 2h22. Faites un vœu. Ben, c'est parce qu'on pouvait pas comme s'interrompre en parlant. Puis, Mais là, tu peux. C'est parce ça. Parce que tu as le contrôle de la couper, technique. Je peux m'étirer le bras, passer sur mute, puis ouais. On passe à d'autres choses. C'est ça qu'on va faire. Donc, bonsoir. J'ai un MacBook Pro 8.1 avec 4 GB de RAM. Je commence à le trouver lent et un peu... Et surtout, lorsque plusieurs logiciels sont ouverts. Je vais réapprendre à lire d'ici le prochain podcast. Bonne idée. Juste ouvert avec Maverick, ça prend 3 gigs sur 4. Je pense changer mon disque dur pour un SSD et ajouter de la RAM via OWC, voire copie de ma commande planifiée plus bas. J'utilise mon ordi pour des choses de base, rien de trop gourmand. Selon Apple, mon modèle supporte 16 gigs de RAM. OWC dit que 8 gigs de RAM, pardon. OWC dit que 16 gigs est possible. Me conseillez-vous 16 gigs? Le 8.1, c'est celui que j'ai là, en passant. Ouais. Là. Puis on peut le mettre jusqu'à... Ça peut monter jusqu'à 16? Jusqu'à 16 et changer la fréquence de la... Je l'ai pas mis dedans. Là, okay. Parce que j'ai déjà 16 dedans. Mais je peux changer la fréquence. De la, c'est des 13 330 maintenant, c'est combien? Tu peux, 1600. Bon, mais c'est ça. Tu peux mettre de la 1600. Si c'est le fin 2011, tu peux. Okay. Début 2011, tu peux pas. Okay. Mais ça dépend quelle année, quelle À quel temps le 8.1, c'est celui que tu as, donc... Fait que c'est fin 2011. OK. Fait que tu peux changer la fréquence, puis tu peux mettre ton, ta mémoire jusqu'à 16 gigs. Vérifie, parce que les prix entre la 1333 et la 1600 sont... Énorme. Oui, oui, c'est vrai. C'est très énorme, là. OK. C'est fait que si tu peux mettre de la 1600, ouais. Go with it. Oui, oui, oui. Puis si tu mets de la 1600, qu'elle est moins chère à ce moment-là, mets 16 gigs dedans. Effectivement, le minimum requis pour Mavericks, c'est 4 gigs. Puis ça, c'est juste pour le système d'exploitation. Tu ouvres quelques onglets dans Safari, tu ouvres 2-3 programmes, tu laisses iTunes ouvert, puis tu es pas mal rendu au bout de ton 4 gigs. Donc, le doubler, là, c'est quelque chose qu'on fait souvent, souvent. Tu n'es pas obligé d'acheter la mémoire chez OWC. Je ne sais pas le prix qu'elle est, mais il y a d'autres sources. Nous, on regarde chez Canadarm. C'est pas mal là, qu'elle est la moins chère chez vrai? OWC. OK. Ouais. OK, excellent. De loin, à part de ça. Quand j'ai acheté un mémoire pour mon Mac, j'ai comparé avec Canadarm, parce que c'est ça que tu m'avais suggéré. Moi, bien c'était de là, beaucoup moins cher chez OWC. Même avec... parce que quand ça arrive ici... Maintenant, OWC offre du shipping presque gratuit. C'est peut-être 1,99 pour la RAM. C'est pas le shipping le plus rapide au monde, là, mais c'est par Canada, Post-Canada. Puis habituellement, il n'y a pas de frais de douane ou de frais ou de taxes. Excellent. Donc, oui, puis au niveau du SSD, le modèle qu'on suggère encore, c'est probablement le Samsung 840 qui est Evo, c'est ça? Oui, c'est Evo. Oui, c'est Evo, oui. Il y en a deux modèles, il y a le Evo Pro. Et Evo Pro. C'est pas nécessaire d'aller avec le Evo Pro. Le Evo standard va bien faire l'affaire, mais ça va faire une bonne différence. Ça va effectivement lui donner une seconde vie. Si tu fais les... trouvez-vous que c'est trop investir sur cette machine ou ça lui donnera une seconde vie? Ça va lui donner effectivement une seconde vie. Toi, tu as un SSD, tu as 16 gigs de mémoire. Ta machine, tu penses la changer cette année? Ou l'année prochaine? Printemps l'année prochaine. Printemps l'année février, prochaine. Mars. Lui, je les ajoute tout le temps dans ces temps-là, tu sais. Le temps de l'impôt, tu sais. Fait que moi, ça fait comme un petit rabais. Ça fait un petit rabais. Mais je change tout le temps-là. Ça va faire 3 ans que je l'ai. OK. Mais là, tu sais, j'ai un SSD dedans, j'ai changé moi-même. Puis ça prend... Tu bootes un ordi en SSD, là, ça prend 10 secondes, puis t'es au bureau. Là. Exactement. Fait que, oublie ça, là. C'est le jour et la nuit. Là. Toutes les machines devraient avoir un SSD de base maintenant. C'est ça maintenant. C'est ça qu'Apple fait, en tout cas. Oui, non, mais je parle pas juste chez Apple. Là. Ailleurs. Aussi. Ailleurs, là. Non. Mais, tu sais, on rêve, là, mais tous les ordinateurs devraient avoir un SSD de, ou un disque dur hybride entre les deux de base. Ouais. T'sais, minimum ton système d'exploitation sur le SSD. Ou du moins l'offrir. Il y a encore beaucoup de manufacturiers qui l'offrent même pas. Là. Non. Fait que, mais non. 16 puis SSD, là. Ouais, c'est vraiment pas une différence que c'est. Ouais, ça c'est plus vite. Non, ça paraît vraiment. Non, ça paraît beaucoup, là. Est-ce qu'il parle du SSD qu'il veut? Non, il parle pas du SSD qu'il veut. Il parlait juste de la mémoire. Hein? Il dit qu'il y a déjà un backup sur Time Machine, donc s'assurer avant de faire le changement qu'on l'a. De toute façon, ton disque dur, tu ne sacs pas ton tournevis dedans. Donc, une fois qu'il est sorti, si jamais il y a un problème avec le Time Machine pour aller le reporter sur le disque dur, tu peux mettre le Time Machine, pas le Time Machine, mais le disque interne dans un boîtier, idéalement Thunderbolt, là, mais c'est pas à la portée de tout le monde. Puis tu récupères en fait ton utilisateur comme ça. Donc, voilà. Prochaine question. Est-ce que la garantie AppleCare protège mon iPhone contre les bris d'accident? Quand on veut acheter un iPhone, ils veulent nous vendre la garantie AppleCare, c'est 100 $. De plus, ils nous disent qu'on devrait le prendre. Est-ce vrai? D'abord, la question nous a été posée par email et on aimerait rappeler, en fait, dans un premier temps, Mac Québec, c'est une communauté. C'est une communauté de gens qui aiment Apple et c'est une communauté qui a un forum où l'utilisateur qui répond le plus aux questions est assis à côté de moi. Donc, en fait, Jean-Michel répond beaucoup, beaucoup aux questions. ce qui est intéressant d'une communauté ou d'un forum, c'est que la question que vous posez, la réponse surtout que vous avez à cette question-là, comme elle est publique, elle est intéressante pour tout le monde. Et les gens qui font des recherches peuvent donc bénéficier de la réponse qu'on a donnée. On a tenté de répondre à Luc Delarosville. Mm-hmm. C'est le nom que j'ai ici. On n'a pas tout à fait donné la bonne réponse, en fait, parce que le AppleCare qu'on vend dorénavant avec les iPhone, iPod et iPad. Oui, c'est le AppleCare Plus. Plus comme à 99 $. Qui est identique à celui qui est offert aux États-Unis. Et ce AppleCare-là va couvrir deux événements d'endommagement que c'est toi qui as fait, deux accidents. Mm-hmm. Mais il va falloir débourser quand même des 49 $ par événement. 49 $. Donc, c'est tout ce que tu as à payer si tu as le Ils Apple vont vous Care remettre Plus. Au Apple Store un iPhone de remplacement qui peut être neuf ou remis à neuf. C'est la même chose qu'ils vous donneraient si vous le chargerez le prix complet. Là, mais vous avez besoin d'aucune raison. Vous rentrez au Apple Store, vous dites « Je veux faire changer mon iPhone, j'ai Apple Care Plus », vous payez 49 $ puis vous sortez avec un nouvel iPhone. Téléphone. C'est d'ailleurs ce qu'on m'a suggéré de faire quand je l'ai acheté. Si j'avais à revendre mon iPhone un an plus tard, je rentre au Apple Store un an moins un jour, à l'expiration de ma garantie, je demande un nouveau iPhone pour 49 $ puis j'ai un iPhone flambant neuf, pas de graphique, ah, pas rien. Ah oui, oui, oui. C'est une bonne idée. Par contre, il faut avoir acheté la garantie dans les 30 jours. C'est ça. Contrairement aux produits d'Apple où tu as l'année au complet pour acheter la garantie. Donc, sur les ordinateurs, tu as un an. Quand on l'achète après l'achat de l'appareil, il faut qu'on amène notre appareil au magasin puis l'appareil est inspecté pour être sûr qu'il n'y a pas de bris là, déjà existant. C'est comme le monde qui appelle l'assurance la journée où est-ce que le bain vient de passer à travers le plafond. « Salut, est-ce qu'on vient pour m'assurer? » Ça marche pas. Non, c'est ça. Donc voilà. Maintenant, normalement, quand on vous propose maintenant partout au Québec une garantie prolongée, on est censé vous parler de la garantie légale. En premier lieu. Avant de vous proposer. Il y a même un petit texte obligatoire que les vendeurs devraient lire. Oublie là. Souvent. Ouais. Ouais. Donc, chez Costco, ils les accrochent à une place et ils disent « prenez-en un ». Donc, c'est quoi la garantie légale? Eh bien, c'est une loi. C'est dans la loi. Et ça dit qu'un produit acheté à un certain prix se doit de fonctionner un temps raisonnable. Raisonnable n'est pas... Tu sais, c'est bien du texte d'avocat passible à l'interprétation et tout ça. Là. Donc, on ne sait pas exactement c'est combien. Par contre, si on se réfère à la jurisprudence, on se rend compte que les causes qui ont été portées dans la deuxième année sont tout le temps gagnées. Puis quand ça dépasse ça, là, quand ça arrive vers le 2 ans et demi, 3 ans... Ils sont tout le temps gagnés parce que si... Il faut aller à la cour des petites créances pour ça. C'est pas tu fais juste arriver, tu téléphones au manufacturier puis t'invoques la garantie légale. Ça se passe pas comme ça. Il faut poursuivre à la cour des petites créances. Ouais. Puis 80-85 $. C'est ça. C'est ça 60 prend comme deux ans et demi, trois ans. Non, c'est pas si long que ça. J'avais un cours de droit la session précédente. Okay. Puis on a dû aller assister à des causes aux petites créances. Puis c'était tous des causes qui dataient de 2010. On était en 2013. Il y a vraiment beaucoup d'attentes. Pour ça que l'arbitre a été créé à V. Parce que pour aider, pour faire un show aussi, là, mais ça aide beaucoup parce que ça enlève des causes à petites créances qu'ils font à TV puis que c'est le producteur qui paye jusqu'à 7 000 $. Fait que, Puis 3 ans plus tard, ce qui se passe, c'est que la compagnie va essayer de régler l'amiable juste avant l'édition de la cause. Personnellement, là, j'irais aux petites créances avant d'aller régler mon iPhone pété à la bouche. À Goldwater. Ouais. Tu sais, je l'aime bien, moi. J'aime l'émission parce que c'est divertissant, toute la patente, mais je pense pas que j'irai devant la TV pour... Parfois, même les compagnies vont accepter de rembourser. Juste, tu t'envoies une mise en demeure. Là, tu fais faire une mise en demeure par un avocat, puis la compagnie va te dédommager ou va faire ce que tu veux. J'ai une autre question. C'est de iMacDriver sur Twitter. By the way, Sébastien nous a écrit sur Twitter. Je te remercie de ta question. Tu peux continuer à nous en poser. J'espère qu'on a bien répondu à ta question. On n'oublie pas, quand on achète un iPhone ou un iPad, de bien le protéger. Je pense que c'est... Toujours. Jour 1. Jour 1. La demi-heure après. Oui. Puis ils n'en vendent pas au Apple Store cette journée-là. Non, faut que tu ailles chez Futurecha. Il y en avait. Non. Non, fallait non c'est non, ça. On était chez Futur Shop. Oui, c'est vrai. Avant d'aller à TVA, fait que... Voilà. Oui, on est allé à TVA. Regarde-nous pas en nous jugeant, Jean-Michel. Non, je sais que vous avez été chez TVA. Je vous ai regardé même à TVA. On va sûrement retourner aussi. Peut-être. Peut-être. Peut-être. Bon, l'autre question, c'est... Oui. Je suis incapable de remplacer mon Apple ID. J'ai une adresse Hotmail comme ID. Je voudrais utiliser mon adresse iCloud. Comment faire? Tu peux pas. C'est ça, hein? Une fois que l'adresse iCloud est créée, elle est en elle-même une adresse Apple ID. Mm. Mettons, quand tu crées un Apple ID, tu as le choix. Soit que tu crées une adresse iCloud, soit que tu utilises ta propre adresse. Si tu as créé une adresse iCloud, elle devient un Apple ID et tu ne peux pas l'associer non. à ton compte qui, lui, possède une adresse normale. Si tu crées ton Apple ID avec une adresse normale, mettons un Gmail, dès que tu vas activer les services Mail, note ou rappel sur ton iCloud, il va te dire, pour faire ça, j'ai besoin de fonctionner sur une adresse iCloud. Il va donc t'en créer une. Il est très possible que si ton adresse, c'est jfroy@gmail.com, ton adresse iCloud ne puisse pas être jfroy@icloud.com. Ça se peut que ce soit autre chose. Ouais. Mais une fois que tu vas la créer, elle va être associée à ton compte. Les deux vont être dans le compte. Ouais. Donc, s'il y a des gens qui, dans leur carnet d'adresse, ont ton adresse iCloud, ils vont pouvoir te iMessager, FaceTimer, tout ça, ou s'ils ont ton numéro de téléphone ou ta vraie adresse. Donc, c'est toujours mieux de le créer avec une vraie adresse. Puis là, le problème, c'est qu'il y a du monde qui ont créé avec l'adresse iCloud, puis ils se rendent compte qu'ils peuvent utiliser leur autre adresse, mais ils ont déjà commencé à acheter. Ou tu as créé avec une adresse Hotmail, tu ne l'utilises plus parce que tu te rends bien compte que c'est un service qui est pas plus très bon, là, tu sais, Outlook.com, c'est pas vergeux, personnellement, je trouve. Donc, là, tu fais, ah oui, je veux me débarrasser de cette adresse-là, mais comment je fais à ce moment-là? Donc, tu crées une autre adresse ailleurs, puis tu vas remplacer ton adresse Hotmail dans ton compte. Tu peux l'enlever ultimement, mais tu peux pas prendre une adresse iCloud qui est déjà créée. Par contre, comme je dis, tu peux en créer une dans ton compte, c'est un compte fait avec une autre adresse, mais ce ne sera pas nécessairement celle que tu voulais. Exact. Ouais. Voilà. Fait que c'est un peu dommage, mais c'est ça. Puis il n'y a pas de service de merging. Apple n'a jamais offert ça. Là. Tu sais, c'est, par exemple, chez Blizzard ou quelque chose, tu as deux comptes, tu t'es créé deux comptes sur deux jeux différents. Il y a moyen de contacter la compagnie, puis le service à la clientèle va faire un merge. Il y a différents systèmes qui se font. Des fois, c'est des services qui sont payants. Apple veut rien savoir de ça. C'est beaucoup de logistique aussi. Là, parce que là, il va y avoir des clients mécontents, ils vont être obligés de gérer ça après. Exactement. Puis, c'était un peu un bordel parce que on se souvient qu'iCloud est sorti à peu près à la même période que 10.7. Oui. Et en fait, il y avait comme la bêta qui était en 10.6, puis à un moment donné, ça arrêtait de fonctionner. Fallait que tu ailles 10.7. Puis ça fonctionnait pas super bien, c'était pas super clair. Et moi, ce que je faisais beaucoup, c'est que le service de iCloud, je créais une adresse iCloud pour le faire, mais je créais un compte Apple ID avec une autre adresse pour ce qui est du magasin. Okay. Ce qui fait que, par exemple, tu arrives dans une famille, okay, puis là, tu sais, tout le monde a un iPad, un iPhone, ben tu as un compte, si tu veux, là, mettons... familial. Le compte du monsieur, c'est bon. Il y a la carte de crédit dessus. Donc, tu peux l'installer sur tous les appareils puis télécharger des applications. Puis, tu crées des comptes pour chacun des membres de la famille où est-ce que, bon, eux autres, ils ont leur iCloud, ils ont leur contact. Puis, ça m'arrive souvent, des gens qui m'appellent et qui disent « Hey, on a rentré le compte à telle place puis telle place. » puis on a accès, tu sais, j'ai les notes d'un tel qui rentre dans mon téléphone. Maintenant, ce qui est bon à savoir, c'est que si on veut, par exemple, iCloud sert à partager les contacts, le calendrier, mais il est possible de rentrer un deuxième compte iCloud dans le iPhone. Tu rentres ton compte principal dans iCloud. Après ça, si tu vas dans Mail, Contact et Calendrier, que tu crées un compte, tu peux rajouter un deuxième compte iCloud sur lequel tu vas activer, par exemple, juste les contacts ou juste le calendrier. Non. Donc, je pourrais mettre ton calendrier sur mon téléphone en créant ce compte-là avec tes crédences à toi. Non, je sais, crédence, c'est pas un mot qui existe, mais je traduis le credentials. Dans quoi? Dans l'anglais. Si tu vas dans Mail, Contact et Calendrier. Oui. Pas là. Dans Réglages. Oui, oui. OK. Puis après, Add Account. Oui. Là, tu peux en remettre un autre. Ah, ben là, j'en ai pas d'autre. Fait que... Ajouter iCloud. Oui, tu vois, plutôt que d'avoir. Avant, il te ramenait au panneau iCloud. Uh-huh. Maintenant, il te dit OK, c'est quoi que tu veux rajouter? Puis quand tu le rajoutes, là, tu peux choisir les services que tu vas rajouter là-dedans. Ah, OK. Donc, comme ça, mettons que tu as besoin du calendrier de ton patron ou whatever, ben tu peux le faire comme ça. C'est quand même assez intéressant. Ou plutôt que d'avoir à partager les calendriers, là, tu peux le faire comme ça. Fait qu'il dit, je vais mourir avec mon Hotmail. Eh oui. Sinon, tu pognes ton iCloud puis tu recommences à acheter à partir de nouvelles applications à partir de ton iCloud.com. Moi, je pense que tu devrais même le faire mettre sur ta pierre tombale si tu meurs avec ton Hotmail. J'ai tenu jusqu'au bout quelque chose comme ça. Developers, developers, developers. On n'a pas parlé, on n'a plus de questions, mais on n'a pas parlé des découvertes de la semaine. J'en ai plusieurs. J'en ai une. Oui, c'est quoi? Chromecast. Oh. Oh boy, vas-y. Parle-nous. Raconte-nous ton expérience satisfaisante avec Chromecast. J'ai acheté un Chromecast mercredi passé. J'étais dans la journée. Puis là, je savais qu'il était disponible chez Best Buy, Future Shop, mais ça me tentait pas de le faire venir en ligne. T'sais. Fait que je suis sur l'application, je check. Puis là, il est disponible en magasin. Je m'en vais au centre-ville, m'envoie m'acheter un Chromecast, 40$. T'sais. Fait que j'arrive chez nous ce soir. Puis là, je branche ça dans la TV. Ça va super bien. C'est très facile à connecter au réseau. Là. Ça prend 2 secondes avec la petite application. Ça se fait tout seul. Après, je commence à jouer. Il génère son propre SSID. Tu te connectes dessus. Non, non c'est pas ça. Non, il prend le réseau de la maison. Là. Tu peux aller même lui dire, va chercher mon mot de passe de ce réseau-là dans mon keychain. Il crée un deuxième réseau parallèle en attendant de le configurer. Puis après, il te le remet sur le réseau. Ouais. Et après, il fait une mise à jour parce qu'il y a une mise à jour du dongle à faire. Après, bon, j'ai commencé à chercher comment ça fonctionnait. Parce que dans la boîte, t'as rien. T'as le fil USB, t'as l'HDMI, t'as la plug de courant, that's all. Deux, trois pictogrammes. Ouais. Puis t'as pas. L'HDMI, c'est une espèce de rallonge. De petite rallonge pour éviter que les enfants donnent un coup dessus, puis t'arraches ta TV, ton dongle, puis ton port. Des TV là, qui ont 3 mm d'espace entre chaque port HDMI. Là. Ouais. C'est plate à configurer, finalement. C'est ça, excusez. Oui, c'est ça. Fait que là, ça va super bien. Ça fonctionne bien, tu as une belle image qui t'apparaît. Ben, félicitations, t'as parlé. Après, j'ai commencé à chercher dans Chrome, parce que ça prend Chrome en partant. C'est juste ça ne fonctionne pas avec Safari. Là. Non, on peut imaginer que ça ne fonctionne pas avec Safari, mais c'est pas intégré dans plusieurs applications. Oui, sur iOS, sur Android, c'est intégré de base dans l'application, mettons, Hulu, YouTube, Netflix. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Donc, peut-être Pandora. Il y a l'affaire de baseball aussi, mais qu'on n'a pas ici au Canada. Là. Uh-huh. Mais il y a quand même, ils sont rendus à peu près à 10-12 applications disponibles pour le Chromecast. Il y en a beaucoup qui s'en viennent parce que là, Google a envoyé le SDK ouvert aux développeurs. Fait qu'ils vont faire ce qu'ils veulent avec. J'ai pas aimé mon expérience parce que j'ai trouvé ça compliqué. J'ai essayé Netflix 3-4 fois. Je n'ai jamais été capable de prendre un film Netflix de mon ordinateur envoyé à ma TV. J'ai essayé de me connecter sur mon téléphone au lieu de mon réseau de la maison. Ça n'a pas fonctionné. J'ai essayé YouTube. L'image n'était pas écœurante. Je voyais des pixels. Ah, OK. Je voyais des pixels. En plus, c'est Google, là, tu sais. Fait que je voyais des pixels dans l'écran. Puis après, je disais, je vais essayer avec mon iPhone sur mon Apple TV. Okay. C'était clean, top-notch. J'ai essayé YouTube l'application iOS, l'envoyer sur le Chromecast. Parce que ce qu'il faut dire, le Chromecast, c'est pareil comme l'Apple TV. Vous appuyez sur le bouton, vous allez voir Apple TV au Chromecast, dans l'application qui est supportée, mettons Netflix ou YouTube. Vous appuyez sur Chromecast, puis ça va l'envoyer dans votre télévision. J'ai essayé Google Play Music, parce qu'il est maintenant disponible au Canada. Effectivement. Fonctionne très bien. Ça fonctionne. Tu rappelles un peu comment ça fonctionne, Google Play Music? C'est un genre iTunes Radio. iTunes Match, ben Radio qui est aux États-Unis. Ouais. Qui est pas encore, d'après moi, qui va arriver dans excessivement pas long, parce que là, ça a pas de, Apple ne laisseront pas passer Google au Canada sans que leur service... répliquer. C'est ça. Tu sais, ça sera pas long qu'on va l'avoir. Là, tu sais. C'est surprenant. De quoi? Ça m'étonne que ce soit... C'est quoi, c'est disponible en Angleterre? C'est disponible au Japon, je pense, maintenant? Oui. L'iTunes Radio? En Angleterre et en Australie, je pense, l'iTunes Radio, ça m'étonne que ce soit disponible dans ces deux pays-là avant le Canada. Oui. C'est vraiment à cause de nos lois et notre système légal, là, ici. Mais là, ça sera, d'après moi, ça peut être bien ça, parce que là, si Google sont arrivés ici avec, ça va être disponible... Parce qu'ils ont quand même 25 millions de tonnes, paraît pas, là, mais... J'ai le temps d'en écouter. Je sais pas combien iTunes a de musique dans son catalogue, là, mais ils doivent en avoir autant aussi, beaucoup. Qu'est-ce que je disais, donc? Oui, fait que j'ai aimé l'expérience Google Play Music. C'est le fun parce que, mettons, tu commences une toune, je sais pas, moi, Metallica, je sais pas laquelle, là. Enter Sandman. Fait que là, tu payes sur Enter Sandman et après, tu dis Start Radio. Okay. Là, il va aller te chercher tout le genre de musique qui ressemble à du heavy metal, mais d'artistes différents. OK. Fait qu'il va te faire une playlist automatique. Des suggestions. Puis tu peux les écouter, puis ça va jusqu'à l'infini, jusqu'à l'heure qu'il n'en trouve plus, là. Ça fonctionne très bien. J'ai pas eu de trouble. Ben là, pour l'instant, c'est un ça mois... On rappelle que ça consomme quand même beaucoup de bandes passantes, là. Oui, c'est clair, là. C'est comme c'est comme si vous utilisez iTunes Match. Oui. Ça prend la bande passante aussi. Il n'y a pas d'application... il y a une application iOS maintenant. Mm-hmm. Vous avez l'option aussi dans l'application iOS de choisir le débit de la chanson qui va être téléchargée. Extrême, bonne ou médiocre, là, mettons. On va dire, je me suis plus des trois options. Ça fonctionne bien. Ça fonctionne très bien sur Apple TV. OK. En AirPlay, là, tu sais, je veux dire, tu veux pas l'écouter avec ton iPhone, là, tu ships ça sur ton Apple TV. Les titres de chansons apparaissent. Tout. Pis, comme avec Pandora. Ouais, ouais. Mm-hmm. Tout apparaît. Fait que tu vois tout. Je suis resté surpris. Là, je l'ai jusqu'au 3 juin gratuit. Ça coûte combien par mois? Si tu le prends là, t'as un mois gratuit, puis c'est 7,99. Oh, c'est cher quand même pour de la musique. C'est cher. C'est ça l'affaire. Pandora est combien? Il est rendu 4,99 par mois, je pense, aux États-Unis. Avant, c'était 36$ par année. Ouais, mais c'est ça. Mais sauf que sur le Google Play Music, tu peux uploader jusqu'à 20 000 chansons de ta bibliothèque. Okay, comme mais iTunes. Quand t'en as quand même déjà 25 millions à ta disposition. Tu t'en tapes un peu de tes podcasts. Ouais, c'est ça. C'est ça. Tu peux uploader tes podcasts et les avoir dans le cloud. Ouais. T'uploades toute ma Ou tu Québec. Peux juste les écouter en streaming déjà, là, sur d'autres services. Ouais, mais c'est ça. C'est ça. Si tu as 25 millions de tunes dans ton catalogue, je vois pas l'utilité d'uploader ton 20 000 tunes. Ben, à moins que la Québec, chanson. Au Québec, ce serait pour les artistes québécois oui, qui sont c'est pas ça. Là, c'est ça, qui serait pas là. Mm-hmm. Mais sinon, si vous êtes aux États-Unis, moi, je pense pas que. Je pense pas que. Quelqu'un qui te dérange pendant le show? Ouais, c'est mon cousin. Non, c'est ça. Je suis resté bien surpris. Puis le Chromecast, j'ai été me le faire rembourser samedi, dans l'après-midi. OK. Ça t'a pris 4 jours savoir que... J'ai haï ça. C'est 40$. Ça vaut 40$. Ça vaut pas plus cher. J'ai plus de fun avec mon Apple TV, OK, mm-hmm. que j'ai plus de logiciels qui sont disponibles. Je parle pas des logiciels installés dedans, mais que j'ai plus de logiciels sur mon ordinateur, que je peux streamer des affaires dessus que sur mon Chromecast, là. Je veux dire, j'ai haï ça pour mourir. Il y a rien à faire avec ça, là. Je veux dire, c'est pas une cochonnerie. C'est une patente de plus Si t'as déjà un Apple TV, là, t'as pas besoin d'un Chromecast. Non, ça, c'est clair. C'est sûr et certain. C'est mais... clair, là. Tu me disais qu'il y avait, il y avait Plex dessus, ouais, mais Plex, c'est obligé d'être dans un certain format. Ouais, Plex. Ça peut pas convertir tes... Essayez pas de faire Plex Server avec ça, là. Ce n'est pas Plex Server. C'est absolument rien. Il faut vous passer par le site web Plex TV et il faut que ça soit des fichiers MP4. Parce que le dongle ne transcode pas. Il n'y a pas de puissance dedans. Là, fait que, mais c'est ça. C'est une bonne idée. Peut-être que ça va évoluer, je ne sais pas. Mais pour l'instant, il y a... Pour toi, ce n'est pas un compétiteur ou Apple TV. Ah, pas en tout. Okay. Pas en tout. C'est puis plus facile. Est-ce que... tu dis ça vaut 40$ et tout ça. Est-ce que tu penses que ça vaut la peine d'économiser 60$ du Apple TV pour se procurer? Tu sais, mettons que tu as un budget restreint, t'es-tu mieux d'aller avec, avec un... Mais si vous écoutez pas de Netflix, si vous écoutez pas de vidéo, allez avec le dongle de Chromecast de Google. Si vous écoutez juste de la musique, là, uh-huh. Vous allez l'avoir là, parce que il va être dessus. Sauf que... Ah oui, puis ils font le screen sharing aussi. C'est okay. comme à la AirPlay sur ouais, un Mac. Mais seulement à partir de Chrome. C'est dégueulasse. C'est fou, là. Ça lag, là. OK. Est-ce que c'est stable, par exemple? Oui, okay. Mais c'est extrêmement long, là. OK. Tu as le temps de bouger ta souris, de faire apparaître les menus, que ça prend au moins 3-4 secondes avant que ça apparaisse là. Quand OK. Même. C'est très long, là. C'est comme... Ça a l'air fou un peu si tu dis ça pour une présentation. Oui, c'est bien. Ça. Parce que c'est ça qu'ils te le disent dans le centre de développement. Ils disent, vous pouvez montrer vos démonstrations. Et tabouer. Je veux dire... Je ne montrerai pas un PowerPoint là. Tu sais, c'est ça. Parce que la Apple TV, c'est quand même assez rapide. Il n'y a pas vraiment, pas beaucoup de délai. Non, vraiment pas. Là. Mm-hmm. Tu peux faire du Final Cut. Tu peux si l'utiliser tu veux, là. Pour comme un écran secondaire. Ouais, c'est ouais, vraiment exactement. Fait pour ça, je pense. Ouais. Pour ma part, en fait, les découvertes, j'en ai 6. Pas de problème. J'en ai 6 cette semaine. Je vais y aller moi aussi. Je vais te laisser tout seul. Attends, chacun. Je suis capable. Oui, c'est ça. Donc, pour ce qui est des découvertes, bien, il y a environ 2 heures, donc c'est tout chaud. Apple a mis en ligne un iBook qui sont les guidelines pour les développeurs. Donc, c'est assez intéressant. En fait, c'est un livre qui prend toutes les possibilités de iBook, là, tu sais, pouvoir rapetisser, grandir. Il y a de la vidéo dedans, tout le kit. Ouais, ça doit être disponible avant, non? Ben, en fait, en e-book, là, comme disponible okay, ouais. au téléchargement gratuit, non. C'est un document qui était ouais, réservé un PDF, aux développeurs. Mais là, ils ont uh-huh. vraiment fait un bouquin intéressant et téléchargeable. Donc, ça sur l'iTunes Store. iBooks. Pour iBooks. Store, ouais. Ah ouais? Oui, pour iPad. Probablement aussi disponible dans iBooks sur iOS. On va voir le lien dans les notes du podcast. Il y a aussi la compagnie Parrot. Tu connais Parrot, Jean-Michel? Oui, c'est les drones, là. Entre crois, autres. Ouais. Mais qu'on voulait acheter là, avec le faux rabais La Source là, l'autre jour. Là. Oui, c'était hot, ça. À 80$, uh-huh. un AR Drone 2. Ouais. Bien là, ils ont sorti, en fait, ils l'ont appelé un autre nom. Ils ne l'ont pas appelé AR Drone, mais ce serait un AR Drone 3.0. Ils l'ont appelé le Bebop Drone. Donc, en fait, c'est une caméra sur laquelle ils ont monté 4 hélices. Wow, la télécommande. Il est plus petit. Il est quand même très joli. Il y a un module optionnel qui s'appelle Sky Controller qui étend la portée jusqu'à 2 km dans les meilleures conditions. Donc, c'est assez impressionnant. Mm. Il y a effectivement une télécommande qui vient avec, qui peut être à acheter. Mais c'est un iPad que je vois qui met dedans. iPad Air dans le milieu, là, je pense. OK. Donc, on n'a pas le prix là, pour le module Sky Controller. Non, mais on n'a pas le prix pour le Bebop. Pour le Bebop non plus. Mais en ce moment, sur Amazon, le AR Drone 2 est 326€. Il est tout petit, il est vraiment intéressant. Puis, si on va sur la page, il y a des vidéos qui ont été tournées par ça. La compagnie Parrot qui fait des trucs assez innovateurs, ouais. entre autres des casques d'écoute Bluetooth vraiment bien pensés, qui ont été designés par Philip Stark, puis qui s'arrêtent quand tu... En fait, il y a un motion sensor dedans, okay. puis quand tu tasses de tes oreilles, ils s'arrêtent parce qu'ils savent qu'ils ne sont plus sur tes oreilles. Donc, c'est assez intéressant. C'est le fun des compagnies qui font des petits trucs comme ça. Ouais. Voilà. Sinon, il y a une autre compagnie, et celle-là est montréalaise. On va peut-être essayer de les contacter. J'ai regardé un peu sur leur site web. Je pense pas qu'ils ont notre taille, par exemple, Jean-Michel, mais on verra bien. C'est la compagnie OM Signal qui développe un wearable computer, okay, qui est un chandail, en fait, qui prend un paquet de données pour les gens qui font de la course, qui font du sport. Donc, les T-shirts sont quand même autour de 200 $. Ouais, c'est quand même... Ben, faut vraiment que tu en ailles le besoin. C'est un petit module de tracking qui va avec. Mm-hmm. Le T-shirt, il y a les senseurs dedans, tout ça. Et c'est pour les gens qui font... Ça s'adresse aux maniaques de fitness. Ouais, c'est ça. Exactement. Ouais. Mm-hmm. Et ça prend un paquet de données qui sont relayées au iPhone. Donc, peut-être même les athlètes professionnels là, qui s'entraînent plus là, à la limite. Là, je vois pas quelqu'un qui serait prêt à payer là, 200$ là, juste pour un T-shirt. Là. Ben, quand on va chez Sport Expert, il y a quand même de l'équipement là, qui peut être assez coûteux au niveau vêtements. Là, uh-huh, ouais, c'est vrai. On verra. C'est une compagnie montréalaise. Peut-être que les gens de chez OM Signal aimeraient venir nous parler de leur T-shirt. Peut-être nous en faire essayer un ou nous en laisser un, histoire qu'on soit fit comme les gars sur leur site web. C'est une invitation qui est lancée. Messieurs, est-ce que vous utilisez quand même Control Center sur votre iOS 7? Plus ou moins. J'utilise pour la lampe de poche. Ouais, souvent, c'est ça. Ouais, Bluetooth aussi, moins Bluetooth. Bluetooth, tu fermes ça, tu ouvres ça. Sinon, ça teinte. Moi, je trouve que c'est un peu loin et un peu gossant à aller le chercher quand on a à débloquer l'écran. Tu sais, tu te couches sur le côté, tu veux lire, là, ton écran est débloqué, tu veux y aller. Là, tu es déjà dans une application, puis il va pas bien quand tu es déjà dans une app. Tu es obligé de sortir, de le faire. Bref, Control Center, c'est quand même une belle addition à iOS 7. Mm-hmm. Et il y a quelqu'un qui a développé Control Center pour OS X. Donc, tu as le contrôle du Bluetooth, du Wi-Fi. Peux-tu avoir le lien? Oui, je te rajoute ça tout de suite dans le, dans le document. Tiens, il est ici. Donc, c'est Mac Forever qui nous fait connaître cette petite application-là qui s'appelle Control Center. Faut vraiment en avoir l'utilité parce qu'elle est 9 €. Donc, c'est peut-être une quinzaine de dollars. C'est un téléchargement. Ça n'arrive pas. Il y a une version d'essai d'une durée de 7 jours qui est téléchargeable gratuitement. Donc, essayez-la avant de vraiment dire. Il y a quand même des switches qui peuvent être intéressantes où est-ce qu'on a le Hide Desktop Icons. Fait que, mettons que tu veux un desktop vite. Clean pour une présentation ou faire un screencast. Tu peux Show Hidden Files. Donc, ça aussi, ça peut être intéressant. Montrer le Library Folder, quoique maintenant, on peut le faire dans 10.9. Show File Name Extension, Spotlight, le fermer, l'ouvrir. Dashboard, qu'on ouvre, qu'on ferme, le Mission Control. Fermer Spotlight, puis le réouvrir, ça va... C'est assez ordinaire, me semble, parce que le fermer puis tu le réouvres, là, il va tout réindexer l'ordinateur. Là. Ah oui, probablement, hein, c'est vrai. Fait que ça bouffe le Spotlight quand ça indexe un ordi. Là. Mais c'est quand même, en fait, le layer transparent qu'on connaît sur iOS qui apparaît. Il y a une espèce de petite télécommande pour iTunes, donc ça peut être intéressant pour les gens qui font beaucoup iTunes. Et je vois, en fait, un icône qui ressemble aux tags. Donc, j'imagine qu'on peut aller facilement rentrer des nouveaux tags là-dedans. Un des modules qui est intéressant, c'est peut-être au niveau d'une espèce de Activity Monitor ou un peu comme... c'est quoi l'application? iStat. Mm-hmm. Donc, au niveau des ressources CPU, RAM, l'adresse IP publique, l'adresse IP locale, puis le download, téléchargement. Donc, ça peut être intéressant si vous aimez ça. Je pense qu'on paye un petit peu quand même pour le look, mais ça vaut la peine d'y jeter un coup d'œil. Il y a Adobe Voice qui est sorti cette semaine. Ouais, c'est quoi ça? J'ai ouvert ça. C'est moi, je l'ai pas. Non? C'est une façon de raconter une histoire. C'est fabriquer un espèce de screencast. Mm-hmm. C'est une présentation. Tu racontes une histoire et là, tu peux aller chercher facilement. Tu as des outils de recherche. Tu peux aller chercher des pictogrammes. Tu as accès à des bibliothèques de dessins, de différentes choses. Et ma foi, c'est vraiment bien fait. Ça vaut vraiment la peine de jeter un coup d'œil à cette application. application. C'est en français? En fait, c'est toi qui parles. Fait que si tu parles français, oui. Ah, OK. Mais c'est un enregistrement qui est fait de ta voix, puis tu peux raconter. Mettons, tu as une idée à raconter. Puis au début, il te demande quel type de montage tu vas faire. Et il te guide un peu à travers ça. Bon, donc là, enregistrer tel premier... premier plan, aller chercher des images qui parlent de ça, répondre à telle question, telle question, telle question. Mm-hmm. Donc, c'est vraiment intéressant. Et finalement, la dernière trouvaille... Oui? C'est-tu dans la suite CC, ça? C'est-tu offert gratuit? Oui, bien, tu as besoin, en fait, d'un compte CC pour le faire fonctionner. Mais c'est gratuit. L'application est gratuite, mais tu as besoin d'un compte, CC, compte CC pour que le document soit fait et soit sauvegardé dans les nuages. Okay. Et finalement, une dernière découverte qui n'en est pas vraiment une, mais qui est Goodreader 4, la dernière version qui est sortie. L'as-tu acheté? Oui, je suis allé la chercher tout de suite. Je ne me suis pas posé de questions. Je ne l'ai pas acheté, moi. Il faut que j'y aille. On va probablement avoir un code assez incessamment. Ouais, mais je m'en fous. Je vais payer quand même, là, je veux dire. Ça vaut la peine, ce genre d'application-là, de les payer. À ce jour, en fait, c'est l'expérience qui ressemble plus à avoir un Finder dans un iPad qui est possible d'avoir. C'est un excellent lecteur de PDF. Ouais. C'est un excellent outil pour annoter des PDF, pour se connecter à des serveurs distants, à télécharger, à synchroniser dans l'iPad. C'est vraiment un excellent outil. C'est un canif suisse à avoir sur un iPad. Je la trouve un peu moins tripante sur iPhone parce que c'est l'écran. C'est pas la faute de l'application. C'est vraiment l'écran qui est restreint. Donc, on verra avec peut-être dans un 5.5. Ça pourrait être correct. C'est l'écran 5.5. Non, mais c'est vrai que c'est une très bonne application. Je vois Jean-Michel qui nous fait des signes en nous disant « Hey, les gars, ça fait 2 minutes que ce show-là est censé être conclu. Donc, parle-nous donc un petit jingle. » MacQuébec.com. Puis nous donner la pub pour les adresses. MacQuébec se poursuit dans un moment. Vous pouvez joindre l'équipe du podcast MacQuébec par courriel podcast@macquebec.com, par Twitter @MacQuébec ou sur la boîte vocale au 1-877-561-2357. MacQuébec. De retour au podcast de MacQuébec. Mais encore une fois, le podcast MacQuébec tient à remercier ses commanditaires, Air Repair Montréal, les sauveurs de vie professionnelle, Coop UQAM, la boutique informatique de l'UQAM, qui est accessible pas seulement aux étudiants, mais bien à tout le monde, qui se trouve au 279 Sainte-Catherine-Est. Reptile Tech, qui nous aide pour l'infrastructure. L'INIS, l'Institut national de l'image et du son, qui poste régulièrement des très bons articles, très pertinents sur MacQuébec. On remercie beaucoup Virginie Goyette et communiquez avec eux si vous voulez en savoir plus sur leur programme de formation. Et Telestream, pour le logiciel Wirecast, dont la version 5 est sortie récemment. On attend encore notre copie. Il faut qu'on écrive. Oui, exactement. Ouais, je ne pense pas qu'ils nous écoutent. Non. Pas vraiment. Comme à l'habitude, le podcast MacQuébec est diffusé depuis les bureaux de ClickPom, spécialisé en solutions informatiques à Apple. Rendez-vous au clickpom.com pour plus de détails. Des belles choses qui s'en viennent pour ClickPom. On va probablement pouvoir vous en parler d'ici septembre prochain. Donc, voilà. C'est ce qu'on a essayé? Oui, c'est ça. Oui, c'est bien. Excellent. Le prochain épisode sera quand, Jean-Michel? Le mardi 22 mai, à compter de 20h. Excellent. Et le suivant? Le 2 juin, dans l'après-midi. Ouais. Il y a du monde qui suit, c'est une question piège. Puis le 2 juin, dans le soir aussi. Oui, voilà. Donc, moi, je m'en vais une petite journée, moi. Toute une journée. T'es-tu là dans l'après-midi, en plus? Je vais être là. Oh, tabarouette. Je m'en vais une petite journée, moi. Couche-toi de bonheur, le premier. Je m'en vais d'ici, je m'en vais chez nous, puis c'est ça. Est-ce que M. Chamontin est déjà... Oui, j'ai demandé. Oui. Il va être là. Bernard excellent. Aussi. Excellent. Okay. Ben oui, ça, je savais que Bernard allait être là. Sinon, où est-ce qu'on peut vous trouver, messieurs? Vous pouvez me retrouver sur Twitter au JM souligné Boily. Excellent. Toi, où est-ce qu'on peut te retrouver? Moi, on peut me retrouver sur JFROI1979. Et pour ma part... Twitter, oui. Pour ma part, vous pouvez trouver au Alex Cornelier sur Twitter. Je joue moins sur Diablo récemment. Ouais, j'ai ralenti. T'as pas fini l'extension, là? J'ai pas. Oui, l'extension est finie. Ça a pris deux jours. C'était pas long. Il y a un chapitre qui est rajouté. Ah, ouais? Ouais, c'est ça. Oh, mon Dieu. Monter niveau 70, ça a été moins long. Puis là, c'est des paragones. Là, c'est des espèces de. Ça a coûté combien? 40$? 49$, mais. En fait, le jeu est de beaucoup amélioré. Ah. Là, et moi, vous pouvez retrouver mon chum Jason dans Final Fantasy XIV, The Reborn of je ne sais pas trop quoi, online. Ça n'a pas de bon sens. Ça n'a pas de bon sens. Je suis rendu célibataire. Bon. Ben écoute, on se donne rendez-vous au cinéma dans quelques jours pour Godzilla. Godzilla. Godzilla. Godzilla. D'ici là. Il a l'air meilleur que celui de 98 avec. Hey, moi, j'aimais ça, la trame sonore de Puff Daddy, OK? Ah, ben oui. Je me mets ça, là, puis. Bon, OK, on arrête parce que là, Jean-Michel nous regarde avec des gros yeux, là. Voilà. Bonne soirée, tout le monde. Podcast. Au revoir. Bye. MacQuébec.com.